Chapitre 5. Je poussais jusqu'à Vevey parce que Dubourgel m'avait dit qu'il y avait travaillé et que je pensais y trouver facilement de l'ouvrage. Je m'adressais à un monsieur Guignard, propriétaire d'une scierie où on débitait les sapins qu'on dévalait l'hiver par les chables qu'il y a, et certains troncs aussi on les faisait flotter en ce temps-là dans la Veveyse. Des hommes armés de crocs sont postés sur la rive. On attend que la fonte des neiges ait fait enfler le torrent. Je me voyais assez travaillant dans la partie. J'avais besoin de grand air. Monsieur Guignard me reçut bien. Il faut dire qu'on manquait de bras parce qu'on venait de lever des troupes pour aller garder la frontière. Il m'embaucha, mais comme ouvrier charpentier, et je retournai sur les toits. Sous mes yeux, au lieu de la grande ville, j'avais maintenant d'un côté la pente verte, de l'autre côté le lac. Ce n'était plus tout à fait mon lac d'autrefois, parce que plus encaissé et assombri par la montagne. Mais des barques toujours passaient, qui venaient de Maillery, et je les connaissais toutes par leur nom. On bâtissait déjà beaucoup dans le pays, c'est vers cette époque que les étrangers ont commencé à s'y porter. Les anciennes auberges faisaient place aux hôtels, partout on creusait, on remuait la terre, et nous autres, en haut des murs, nous manœuvrions le treuil ou la poulie, hissant lentement nos poutres qu'on empoignait ensuite par le bout. Pendant ce temps, on continuait de se battre. Quelquefois, quand nous prêtions l'oreille, il nous semblait entendre derrière le Jura comme un grondement étouffé, et ce bruit, bien sûr, n'existait que dans notre imagination, mais on devinera par là l'état dans lequel nous étions. Il fallait voir comment on se jetait le soir sur les nouvelles de la guerre. Elles étaient mauvaises. Après Werth, c'était Wissembourg, et après Wissembourg, Sedan. Metz qui capitulait, Napoléon fait prisonnier. Les journaux donnaient le total des morts, il y en avait tellement qu'on n'osait pas y penser, et des blessés davantage encore. Des gens qui retenaient leur boyau des deux mains, d'autres la tête emportée ou le bras enlevé par un éclat d'obus, de ceux qui toussaient rouges, étendus sur le ventre, et quand ils voulaient respirer, c'est par en bas que l'air entrait. Des horreurs, quoi, on avait le frisson. Pourtant, on était gourmand de ces choses. On avait honte d'être homme, et en même temps, on en était fier. D'ailleurs, il semblait bien qu'à Paris aussi les affaires se gâtassent. On avait eu beau proclamer la République, cela n'avait pas calmé les esprits. Comme on savait que je venais de là-bas, mes camarades me posaient tout le temps des questions. Je ne savais pas trop que répondre. Je haussais les épaules, je disais « attendons ». Mais, en moi-même, je pensais « j'ai bien peur que la France ne soit perdue ». Tout y allait de mal en pis. En même temps que l'hiver venait, la nouvelle nous arriva que Paris était assiégé. La Gazette annonçait « les œufs sont maintenant à 1 franc pièce ». Un poulet a été récemment vendu 2 louis. Les chats eux-mêmes se paient couramment de 10 à 12 francs. On lisait ces nouvelles dans un petit restaurant de la rue du Marché où je prenais pension avec un commis de la poste nommé Gringet et un garçon arpenteur. C'était une boutique qui ouvrait sur la rue, mais on n'y buvait pas, on ne faisait qu'y manger. On y mangeait même assez bien. La patronne était veuve, elle s'appelait Madame Chablot. Elle venait du pays d'en haut. Nous étions 5 ou 6 habitués qui nous retrouvions chaque soir chez elle. Gringet apportait des journaux. Ce fut ainsi que nous apprîmes que l'armée de l'Est allait entrer en Suisse. 3 jours après, la première escouade était signalée. Il faisait froid. On disait qu'il y avait 1 mètre de neige dans le Jura. Les femmes avaient préparé de la soupe, des vêtements chauds et du linge. On avait garni de paille le dedans d'une des églises où les bourbaquis devaient se loger. Jamais on n'a rien vu de plus épouvantable. Les chevaux n'avaient plus ni crinière, ni queue, se les étant mangés entre eux. Certains parmi les hommes avaient mis des jupes de femmes, sans quoi ils auraient été tout nus. Madame Chablot, elle aussi, avait fait de la soupe. Après que nous eûmes mangé, nous partîmes, Gringet et moi, la porter à l'église. Il y avait 200 hommes dans l'église. Nous revînmes vers les 10 heures, le seau vide. C'était un grand seau à aller chercher l'eau, parce qu'on ne l'avait pas encore dans les maisons. Nous posâmes le seau sur une des tables. Madame Chablot tricotait près du poêle qui ronflait, et nous entendant entrer, elle avait levé la tête, puis aussitôt s'était remise à compter ses mailles, les faisant glisser 2 à 2 du bout du doigt contre l'aiguille. Comme nous ne voulions pas nous arrêter, nous ne nous étions pas assis. Nous étions restés debout, à côté du seau posé sur la table. Un petit moment se passe, puis Gringet dit « Vous savez, le capitaine de cuirassiers qu'on a mené à l'hôpital, eh bien, il est mort dans l'après-midi. Il avait les pieds gelés et une balle dans la cuisse. Je dis à mon tour, on l'a amputé des deux jambes, mais ça n'a servi à rien. Gringer reprend, 4 soldats aussi sont morts. Ils n'étaient même pas blessés, ceux-là. Ils sont morts de misère. Il y en a un qui se donnait une peine terrible pour parler. Il n'en avait plus la force. On a retrouvé sur lui une lettre qu'il avait écrite à sa mère, seulement l'adresse manquait. Elle continuait à compter ses mailles, puis tout à coup, elle laissa tomber ses mains sur ses genoux. Je dis, c'est comme ça la guerre. Et le petit, est-ce qu'il dort ? Mais elle ne me répondit pas. Des gens allaient, venaient dans la rue, quoique à 7 heures d'ordinaire, tout le monde fût couché. Des portes s'ouvraient, se fermaient, des voix se répondaient au loin, et sur les toits assourdis par la neige, le coup de la demi fit un bruit étouffé. Nous nous glissâmes dehors, Gringer et moi, sans plus rien dire. C'était une drôle de femme, cette Madame Chablot. Nous ne savions pas grand-chose d'elle, sauf que son mari était mort et qu'elle était restée seule avec un petit garçon de 4 ans. Elle paraissait beaucoup plus vieille que son âge. Elle était d'une nature très craintive. Elle avait toujours peur que nous ne fussions pas contents. On avait beau lui dire que nous étions contents, et c'était vrai. Mais elle ne voulait pas nous croire. Elle s'effarouchait de tout. Elle n'avait qu'une consolation dans la vie. C'était son enfant. Mais pour lui aussi, tout lui faisait peur. Dès qu'il s'échappait, elle lui courait après. Elle disait, « Il y a les voitures !» Alors, nous autres, n'est-ce pas, nous cherchions à l'entourer et à lui rendre des services. Mais c'était malgré elle qu'elle les acceptait. On aurait dit qu'elle se méfiait même du bien qu'on lui voulait. Comme elle ne pouvait pas sortir, je lui avais offert un dimanche d'aller promener le petit. « Oh non, m'avait-elle dit, je ne pourrais pas rester seule. » J'avais eu envie de lui répondre que la bonne façon d'aimer les enfants était de penser à eux plus qu'à soi. Son air m'en avait empêché. Un drôle de sentiment m'était venu, où il y avait un peu de pitié, mais où il y avait aussi autre chose. Et cette autre chose faisait que je ne pouvais pas ne pas me dire qu'elle avait raison malgré tout. Cependant, l'hiver s'était avancé. Il était mort encore beaucoup de malades à l'hôpital. Le cimetière se remplissait vite. Il y avait eu des épidémies. Elles s'étaient répandues jusque parmi les habitants. On était rongés de vermine. Un jour, l'arsenal de Morges sauta. Mais, en dépit de toutes ces misères, j'allais de nouveau beaucoup mieux. Le meilleur moment, c'était mes soirées. Je me dépêchais d'aller manger. Par la porte de la cuisine restée ouverte, j'apercevais Madame Chablot, debout, devant son fourneau. Se tournant vers moi, elle me faisait un petit signe de tête, et je m'installais à ma place habituelle, me plaçant de façon à pouvoir la suivre des yeux. La table était couverte d'un carré de toile cirée, à quadrillage bleu et blanc. Il y avait 4 couverts, avec, auprès de chaque assiette, la serviette dans un rond. Le plancher, lavé à grande eau, luisait. Les murs, peints à l'huile, n'avaient pas une tache. Sous une pendule en sapin passée au copal, un tableau représentait les 5 âges de la vie. Les coudes sur la table, j'écoutais le petit bruit de la friture sur le feu. Madame Chablot empoignait des 2 mains la queue de la poêle et la secouait. On entendait crier les pommes de terre qu'elle jetait dans la graisse bouillante. Elle avait des gestes petits et pas assez vifs, mais soigneux. Je la regardais se baisser, enfonçant une bûche dans le trou du fourneau. Le reflet faisait paraître sa figure toute rose. Elle prenait tout à coup bonne mine, et j'étais content, sans savoir pourquoi. Les pensionnaires, l'un après l'autre, arrivaient. Ce Gringer dont j'ai déjà parlé, quoique un peu bossu et maniaque, était un brave garçon. En sa qualité de fonctionnaire, il aurait pu me dédaigner, il n'en avait rien fait. Nous causions gentiment, puis le repas fini, le garçon arpenteur et lui allaient faire leur partie de cartes. Moi, je restais. Madame Chablot lavait la vaisselle, le petit, pas encore couché, jouait dans un coin de la cuisine. Je l'appelais, il hésitait à venir. Je devais l'appeler une 2e fois. Je lui disais « Salut Henri !» Et la mère de la cuisine, on dit « Bonjour monsieur, Riquet !» Il avait 4 ans passés, mais il était petit pour son âge, pâle, avec un cou mince et timide. Il ressemblait à sa mère. « Est-ce qu'on joue au cheval ?» Ses yeux se mettaient à briller, il répondait « Oh oui !» Je le prenais sur mes genoux et le tenant des 2 mains « Au pas d'abord, disais-je, c'est le cheval du meunier qui porte de la farine au marché. Au trot, à présent, il revient à vide. Et puis voilà qu'il voit un chien, il fait un écart. Et voilà que le meunier lui donne un coup de fouet, alors il part au grand galop. » mais tout à coup Henri avait peur. Pendant que ses boucles dansaient sur ses joues, je voyais sa bouche s'élargir et des plis se faire au coin de ses yeux. Je m'arrêtai. Le meunier a rattrapé son cheval par la bride. Il va de nouveau au pas. Le petit rassuré se remettait à sourire, et sa mère de la cuisine me disait « Doucement, vous savez, il n'est pas très fort. » Elle avait fini son ouvrage. Elle venait prendre le petit pour le mettre au lit. Elle habitait sur le derrière de la boutique une petite chambre qui donnait dans la cour. Au bout d'un moment, elle revenait. Elle s'asseyait près de moi avec son tricot. Je lui disais « Je vous demande pardon de rester si longtemps, mais c'est qu'on est bien chez vous. J'espère seulement que je ne vous dérange pas. » « Au contraire, me répondait-elle, je suis bien contente d'avoir un peu de compagnie. » On se taisait. Elle tenait les yeux baissés sur son ouvrage, tandis que ses doigts, abîmés par l'eau et un peu rêches dans la laine, faisaient bouger les longues aiguilles d'os. C'était une camisole pour son fils qu'elle tricotait. Elle disait « C'est un ouvrage minutieux. Il y a tout le temps des diminutions. » Rien ne m'empêchait de la regarder. Elle n'avait pas beaucoup de cheveux. Elle avait fini par se rendre compte qu'elle pouvait avoir confiance en moi. L'habitude venait, qui facilite les choses. Un soir, elle me raconta son histoire. Elle était de Rossignères et son mari, Desmoulins. Il l'avait connue à Château-d'Œx, où elle était en place chez un docteur. Comme il avait une mauvaise santé et qu'il ne supportait pas bien les rudes hivers de là-haut, il s'était décidé à vendre le petit héritage qui lui venait de son père. Et sitôt mariée, elle avait 24 ans, lui 25, ils étaient venus à Vevey. Ils y avaient trouvé ce petit fonds de boutique. Elle était bonne cuisinière. Ils pensaient qu'ils auraient facilement des clients. Mais elle avait eu beau se donner toute la peine possible, les clients n'étaient pas venus, ou trop peu, pour qu'ils s'en tirassent. Cependant, l'enfant était né, et l'homme s'était fait du souci. Ce souci le rongeait en dedans. Il manquait d'air dans cette rue étroite d'où il ne sortait presque pas. Elle lui disait « Il faut repartir ». Mais il ne voulait rien entendre. Il avait engagé dans l'entreprise tout l'argent qu'il avait. Il disait « Si nous nous en allons, c'est de l'argent perdu ». Alors, un jour, il n'avait plus pu respirer. Il avait ouvert deux ou trois fois de suite la bouche. Il s'était raidi et elle criait en le serrant dans ses bras. Ses mains s'étaient arrêtées, le peloton ne tournait plus. On n'entendait que le tic-tac de la pendule. Un gros soupir venait, et d'une toute petite voix changée, il y a 2 ans et demi. C'était au commencement de l'hiver, maintenant elle s'était tue, et je me disais que si elle était seule au monde, moi aussi, j'y étais seule. Un dimanche, j'étais montée jusqu'à Blonay, voir une maison qui avait brûlé. On entrait dans le printemps, il y avait comme une mousseline verte, autour des arbres, qui étaient les petites feuilles pas encore dépliées. La pente douce menait l'œil jusqu'au lac un peu agité et qui semblait couvert d'écailles. Il faisait tellement doux que j'avais ôté ma veste. Mais cette douceur n'était pas seulement dans l'air. Je la sentais aussi qui m'entrait dans le cœur. Dans mon cœur aussi, il me semblait que tout s'était remis à vivre. C'était comme si un conseil m'eût été donné par les choses de la nature. Regardant derrière les murs entre lesquels je descendais, le bois encore nu des cèpes, qui commençait à pleurer. Il se trouva que ce soir-là, ni Gringet, ni l'apprenti géomètre ne vinrent manger. Ils avaient des amis chez qui ils soupaient le dimanche. Je me trouvai donc seul à table, et après le repas, ayant couché son fils, Madame Chablot, comme à l'ordinaire, était venue s'asseoir à côté de moi. Seulement, elle n'avait pas son tricotage, parce que le dimanche est jour de repos. Elle paraissait un peu gênée. Elle tenait ses mains croisées dans le creux de sa jupe. Elle n'osait pas me regarder. Mais je n'étais plus au temps de mes rendez-vous avec Mélanie. J'osais, moi, la regarder. Il y a eu un gros feu. Ils ont pu sauver le bétail, mais le mobilier est perdu. Est-ce qu'ils ont manqué d'eau? Non, ils avaient de l'eau tant qu'ils voulaient. Il est venu des pompes de partout. Mais c'est que le feu a pris dans la grange. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tout était déjà en flammes quand on a appelé au secours. Est-ce qu'ils étaient assurés? Je crois que oui, et puis c'est des gens riches, mais ça fait quand même de la peine à voir. Elle ne me répondit pas, je repris. Il faisait rudement bon cet après-midi. Pourquoi n'êtes-vous pas sorti? Je ne peux pas. Qu'est-ce qui vous empêche? Il faut que quelqu'un garde la maison. Je voyais un peu ses joues pâles. Je pensais à ses yeux qui ne sentaient plus le soleil. Je fis un petit arrêt, puis je dis « Il y aurait peut-être moyen de tout arranger. » Pour la première fois de la soirée, elle leva son regard vers moi, et avec un air étonné. « Comment ça ? Ce serait que vous alliez vous promener avec le petit. Moi, je resterai pour garder la maison. » Elle n'avait pas dû comprendre, elle me répondit. « Oh, je vous remercie, mais ça ne se peut pas. Pourquoi est-ce que ça ne se pourrait pas ? Qu'est-ce que les gens penseraient ?» Alors, je vis que le moment était venu. Je rapprochai ma chaise de la sienne, et me penchant un peu, je crois que je me suis mal expliqué. Dites voir, Louise. C'était la première fois que je l'appelais par son petit nom. Elle était devenue toute rouge. Brusquement, elle se leva. « Mon Dieu, mon eau qui est toujours sur le feu !» Le coquemard chantait dans la cuisine. Elle y courut. Elle le prit, et l'ayant soulevé, lentement et l'un après l'autre, remit les cercles sur le trou. Mais quand elle eut fini, elle ne sut pas que faire. Il fallait bien qu'elle revînt. Sa rougeur avait passé. Elle était plus pâle que jamais. Je n'eus pas l'air d'y faire attention. Elle s'assit de nouveau près de moi. « Est-ce que je vous ai fâché ?» Elle me fit signe que non. « Parce que, voyez-vous, c'était sérieux. Et encore à présent, lui dis-je, si vous voulez. Mais vous ne voulez pas ?» Je lui posai la main sur l'épaule. De nouveau, elle chercha à se lever. Mais, à présent, je la tenais. « Non, ne vous sauvez pas, Louise. Le mieux est de s'expliquer franchement. Ça est venu, je ne peux plus vous le cacher. » Alors, si vous ne voulez pas, eh bien, c'est votre droit, je n'y penserai plus. Si vous ne voulez pas, Louise, eh bien, je m'en irai. J'ai l'habitude des changements. Mais si vous me disiez oui, Louise, je saurais à quoi je m'engage. Voyez-vous, j'ai vécu, je ne suis plus tout jeune. Réfléchissez. On a le temps. Elle fit encore un mouvement pour m'échapper, et puis elle ne bougea plus, mais je sentais trembler sous mes doigts son épaule. Tout à coup, levant ses deux mains, elle s'y cacha la figure. Un petit bruit se fit. Je dis, « Est-ce que je vous ai fait chagrin ? Est-ce que je vous ai offensé ?» Elle secoua la tête. « Alors, dis-je, ne pleurez plus. » Ma bouche était près de son front. Je n'eus qu'à avancer les lèvres. Elle ne se recula pas, cette fois. « Est-ce possible ? » dis-je. « Je n'ose pas le croire. » Il ne semblait pas qu'elle eût la force de parler. Et moi, continuant, « Je voudrais tant que vous soyez heureuse. Il me semble que je pourrais. » N'est-ce pas, je gagne ma vie, j'ai 31 ans, on irait ensemble. C'est un raisonnement que je fais. J'avais passé mon bras autour de son cou, et je l'attirais doucement à moi. Elle toussa un peu, puis elle fit un grand effort et sans lever la tête. C'est que, dit-elle, puisqu'on cause, non, ça ne serait pas possible. À cause de quoi ? Demandai-je. À cause que... Et le mot mit longtemps à venir, à cause que j'ai des dettes. Je lui dis, si ce n'est que ça, et je la serrai contre moi. On travaillera tous les deux. Pour les payer. Bien sûr, vous avez trop de peine. On profite des femmes quand elles sont veuves. Est-ce beaucoup ? Elle me dit, oh oui, beaucoup. C'est 500 francs. Des bêtises. Et puis, ce n'est pas tout, reprit-elle. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a le petit ? Pourrez-vous l'aimer comme je l'aime ? Est-ce qu'il ne va pas être une charge pour vous ? Croyez-vous que je n'y ai pas songé ? Bien vrai ? Me demanda-t-elle. Il me parut qu'il y avait une troisième chose dont elle eût aimé me parler. Elle eut l'air de chercher ses mots. Elle ne trouva pas peut-être ce qu'il fallait. Et comme j'avais repris, on a de l'expérience, on a appris à tout peser. Elle se contenta de me dire, faisant allusion de nouveau à l'enfant, « Vous me le promettez ?» Je répondis, « Je vous le promets. » Deux mois après, le 22 mai 1871, nous nous mariâmes. Jamais il n'avait fait si beau. De bonne heure, le matin, une petite pluie était tombée, puis la bise avait repris le dessus. On était monté le sentier, où il y a des marches par place, et on n'était que les deux pour monter, mais nos amis nous attendaient devant l'église. Je lui donnai le bras. Elle s'était fait faire une petite robe noire. Comme la terre était encore mouillée, elle la relevait de la main. Quand nous entrâmes, les orgues jouèrent. Ensuite vint la liturgie. Le pasteur dit quelques mots. Puis nous sortîmes de l'église et le soleil tomba sur nous. On était sur une colline. Toute la ville fumait à nos pieds. Un moment, on resta ébloui, mais nos yeux s'habituaient déjà à la lumière. Et je pensais, c'est aussi une nouvelle lumière qu'il y aura sur notre vie, parce qu'on est sorti de la difficulté. Nos amis nous avaient rejoints. On les avait invités à un petit repas. Il eut lieu dans la boutique. On prit place autour de la table où j'avais mangé comme pensionnaire et qu'on avait seulement agrandi en en poussant une autre dans le bout. Il y avait monsieur et madame Guignard, Gringet, le garçon géomètre, deux de mes camarades de chantier, Louise et moi. Il y avait aussi le petit. Louise avait même voulu qu'il prît place à côté de moi. Deux ou trois jours avant, elle lui avait dit « Tu sais, tu vas avoir un nouveau papa ». Il avait demandé « Qui est-ce ? » « C'est Monsieur Belay. Es-tu content ?»« Oh oui, » avait-il dit, « parce qu'il sait bien jouer au cheval. » Pour la première fois, ce n'était pas Louise qui avait fait la cuisine. Une voisine la remplaçait, elle put rester tranquille. Une jolie petite fête. On causa, il y eut deux viandes, Monsieur Guignard nous avait envoyé 6 bouteilles de bon vin. Vers le milieu du repas, le petit s'endormit sur son assiette. Sa mère dut aller le mettre au lit, puis elle revint. Nous étions assis, en face, l'un de l'autre. D'avoir bu et mangé, et parce qu'il faisait chaud dans la chambre, elle avait sur chaque joue comme un petit bouquet rose. Elle paraissait toute rajeunie. Tout le temps, je la regardais. Et voilà alors qu'au dessert, je demande la permission de dire quelques mots. C'était une idée qui m'était venue. Je ne m'étais nullement préparée à parler, il ne m'en semblait pas moins que l'occasion était bonne pour m'expliquer publiquement sur les raisons qui m'avaient fait me marier avec Louise. Et, m'étant donc levée, je remercie d'abord monsieur et madame Guignard d'avoir bien voulu ce soir être des nôtres. Et vous aussi, qui êtes nos amis, je vous suis reconnaissant d'être venus. Je ne pensais pas, en arrivant à Vevey, que j'y commencerais ma vie. Vous serez peut-être étonné de m'entendre dire « commencer » et non pas « recommencer ». Mais c'est que je la commence, en effet. J'ai 31 ans et j'ai déjà beaucoup couru, mais je vois à présent que tout cela n'était qu'un apprentissage. Parce qu'il faut mériter son bonheur. Il faut apprendre à vivre avant de vivre. Donc, tout ce passé, je le tiens pour rien. Et j'ai eu beaucoup de malheurs, mais je ne pense plus à m'en plaindre. Au contraire, je m'en félicite. Est-ce que le jour serait le jour sans la nuit ? Est-ce qu'on mangerait avec appétit sans la faim ? Je me suis avancée à travers la nuit et la faim, vers le soleil et vers la nourriture. Vous avez peut-être été étonné de mon mariage. J'en ai été plus étonné que vous. Il me faut maintenant encore faire un grand effort pour me rendre compte que tout cela est vrai. Quand même je vois en face de moi Louise me sourire, mais je sens qu'elle aussi est toute surprise de ce qui est arrivé. N'est-ce pas, Louise ? Elle baissa la tête. La voilà qui est toute honteuse. C'est que vois-tu, Louise, il y avait peut-être quelqu'un qui pensait à nous. Et ce quelqu'un s'est dit, ils vont chacun de leur côté, ils se trouveraient mieux d'être ensemble. J'ai été amenée rue du marché, j'ai lu sur l'enseigne « restaurant », j'ai poussé la porte. Je me suis assis dans un coin comme quelqu'un qui n'est pas chez lui. Et toi, tu es venue et tu ne disais rien. À la fin du repas, je t'ai demandé un rond de serviette. Tu ne disais toujours rien. Tu m'as apporté mon rond de serviette et je suis sortie. Je me disais, je n'ai pas mal mangé. Alors je suis revenue. C'est ainsi qu'il faut une préparation à toute chose. Et le chemin qu'on prend, on ne sait pas où il nous mène. Mais moi, j'ai pris le bon chemin. Je te dois tout, Louise. J'ai voulu te le dire devant nos amis. Et c'est en leur présence aussi que j'ai voulu te dire que je ne t'oublierai jamais. J'allais l'embrasser. Monsieur Guignard s'approcha de moi, son verre à la main. Nous trinquâmes. Il me dit, « Belay, vous êtes un brave homme. » Madame Guignard, elle aussi, voulut trinquer avec moi. Tout le monde but à notre santé. Un de mes compagnons de chantier, un nommé Constant Montagnon, nous chanta une chanson en patois parce qu'il savait très bien le patois. Moi, je l'avais un peu oublié. Le garçon géomètre récita une poésie. On ne se sépara qu'à 11 heures du soir. J'avais pris Louise sur mes genoux. Je pensais, Lamblay a eu tort. On n'est pas mené. Il avait été décidé que nous garderions le restaurant. Ainsi, nous aurions chacun un gagne-pain. Chapitre 6. Les choses allèrent encore mieux que je ne m'y attendais. À présent qu'il y avait un homme à la tête de notre commerce, on commençait à le prendre au sérieux. Je travaillais à nous faire une clientèle. Gringet nous ayant quittés pour se marier, lui aussi, j'avais dit à Louise, « Vois-tu, il nous faut choisir entre bourgeois et ouvriers. Ces deux sortes de gens ne vont pas bien ensemble. Moi, je n'aime pas tant ces commis de bureau. Ça n'est pas du monde commode. Et puis, ils ont des prétentions. » « Qu'est-ce que tu penserais si je t'amenais tout simplement mes camarades ? il y en a beaucoup qui sont garçons. » Elle m'avait dit « Bien sûr, Samuel, fais comme tu veux. » Je m'y étais mis, j'avais soin de choisir, malgré quoi, dès le mois de juin, nous avions 6 pensionnaires. Il faut dire que Louis se donnait beaucoup de peine. Entre-temps, la paix avait été signée, mais pas avant que Paris n'eût été mis à feu et à sang par la Commune. Et il y avait encore eu cela qu'après s'être battus contre l'ennemi, les Français s'étaient battus entre eux. Des cadavres étaient entassés tout le long des quais de la Seine. Les feuilles des arbres, nouvellement sorties, avaient été coupées par la mitraille comme avec des ciseaux. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne pensent plus à ces choses, et quand on le leur raconte, elles ne les intéressent pas. Mais nous autres, qui avons vécu là-dedans, quel frisson quand on y repense. Ils brûlaient les livres, ils brûlaient les tableaux, ils arrosaient les maisons avec du pétrole, ils mettaient le feu aux maisons. Tout cela pourtant fut vite oublié, les morts pouvaient dormir tranquilles. Quant aux vivants, ils étaient tout heureux de reprendre leurs habitudes, en attendant le moment où elles leur déplairaient de nouveau, parce que tout est balancement, tout est recommencement dans le monde. Les derniers internés partirent, l'ordre se rétablissait, la masse qui avait un instant chancelé redevint fixe sur sa base, et dans notre petite maison aussi, il nous sembla sentir que le tassement se faisait. Bon moment pour repartir, et avec plus de courage. À vrai dire, le courage ne me manquait pas, et à voir comme tout tournait bien dès nos débuts, il ne pouvait qu'aller croissant. On me connaissait à présent dans la ville, j'avais du plaisir à parler aux gens, je me tenais plus droit, j'allais la tête haute, tout en moi disait « Voilà quelqu'un qui réussit ». Alors, on a besoin de faire partager sa joie. Le soir, quand je revenais du chantier, il y avait des petites filles qui faisaient des rondes sur la place, je pensais « Elles comprennent la vie ». J'avais envie de me mettre à tourner aussi. On avait du respect pour Louise parce qu'on la savait travailleuse et pleine de bonne volonté. On me demandait de ses nouvelles. Je disais « Elle ne va pas mal, merci ». Il y avait une fontaine avec une espèce de colonne au milieu et 4 goulots en partaient, versant l'eau dans 4 bassins. Autour de la fontaine, des femmes attendaient leur tour. Je m'arrêtais à causer avec elles. Je n'avais plus du tout cette timidité qui me rongeait à Paris, ni cette méfiance qui venait de ce que je ne m'y sentais pas à ma place. « On ne la voit guère, votre femme. C'est qu'elle a beaucoup d'ouvrages. Et vous aussi. Oh, moi aussi. Alors, les affaires vont bien. Elles vont bien. Tant mieux. » Un à un, les seaux étaient avancés, et contre le fond de fer blanc, l'eau faisait une jolie musique qui se mêlait au bruit des voix. Il me fallait pourtant rentrer parce que Louise m'attendait. Comme elle avait assez à faire à la cuisine, c'était moi qui servais à table. On était tout à fait en famille. Constant Montagnon mangeait à présent chez nous, et un Hyersin, et un Beauvras, et un Grisinel, qui travaillaient tous chez M. Guignard. Il y avait encore d'autres abonnés, dont un menuisier et un ouvrier marbrier, mais tous étaient d'humeur facile, en sorte qu'on trouvait toujours moyen de s'arranger. Une fois le souper fini, on allait à la cuisine aider Louise à essuyer la vaisselle. Puis on revenait s'asseoir un moment dans la salle à manger, on lisait les journaux, on parlait politique, à 9 heures tout le monde allait se coucher. 2 ans passèrent ainsi. À la fin de cette seconde année, peu de temps après la vendange, M. Guignard un soir me fit appeler. Il avait son bureau dans une jolie maison qu'il s'était fait bâtir un peu au-dessus de la scierie. Elle était peinte en rose avec une glycine. Je me demandais ce qu'il pouvait bien avoir à me dire. Le matin même, un apprenti s'était laissé prendre la main à la scie. Il avait eu 2 doigts emportés. J'avais peur que le patron ne m'en rendît responsable. J'entre, mon chapeau à la main. M. Guignard me dit de m'asseoir. Il tenait un maître avec lequel il s'amusait à tapoter son pantalon. « Je viens d'aller prendre des nouvelles de Perrotet, commença-t-il. Il ne va pas trop mal, mais les doigts sont perdus. Comment l'accident est-il arrivé ?»« Mon Dieu, dis-je, je ne sais pas trop. J'étais occupé à l'autre bout du chantier. » La réponse de M. Guignard me rassura. « Ça suffit, me dit-il. Je pensais bien que vous n'étiez pas là. » Il reprit. « D'ailleurs, ce n'est pas pour cette raison que je vous ai demandé de venir. » Je fus encore plus rassuré. Même en assurance en alla de nouveau quand il m'annonça qu'un de ses contremaîtres le quittait et qu'il me proposa de prendre sa place. C'est ainsi que la joie a les mêmes effets que les pires chagrins. J'eus de la peine à trouver mes mots. « Je vous remercie, monsieur Guignard, dis-je enfin, mais je ne suis pas sûr de la mériter, cette place. »« Si, Belay, je suis content de vous. Vous prenez à cœur votre ouvrage, je sais ce que c'est, j'ai été ouvrier moi-même. J'ai eu comme vous des commencements difficiles. Tout me donne à penser que nous nous entendrons. Eh bien, je ferai tout ce que je pourrai. J'y compte, dit Monsieur Guignard, et il me serra la main. Je me dépêchai de rentrer chez nous afin d'annoncer la nouvelle à Louise. Elle était, comme toujours, dans sa cuisine, mais il se trouva que deux ou trois des pensionnaires arrivèrent en même temps que moi, et je dus garder mon secret pour jusqu'au moment où nous serions seuls. Il était près de 10 heures, j'avais été mettre les volets à la boutique. Quand je rentrai, je l'aperçus qui, monté sur un tabouret, baissait la flamme de la lampe. « Un petit moment, Louise, j'aurai quelque chose à te dire. »« Tu as quelque chose à me dire ?»« Oui, j'ai quelque chose à te dire. » Je la pris par la taille, je la fis asseoir à côté de moi. « Tu ne sais pas, Louise, je suis nommée contremaître. Je vais gagner 5 francs par jour. » À mon grand étonnement, au lieu qu'elle poussât un cri de joie ou bien qu'elle tombât dans mes bras, elle demeurait immobile et je vis ses yeux se remplir de larmes. « Louise ? » demandai-je. « Louise, qu'est-ce que tu as ?» Elle secoua la tête. « C'est trop de bonheurs à la fois. Est-ce qu'il ne faut pas les prendre quand ils viennent ?»« Oui, dit-elle, mais ils me font peur. »« Louise, est-ce que tu as peur du bonheur ?»« Oh oui, j'y suis si peu habituée. » J'étais tout triste maintenant, moi qui pensais que tu allais être contente, moi qui m'étais dépêchée de venir, et si les autres n'avaient pas été là il y a longtemps que tu saurais tout. » Elle ne disait plus rien, regardant fixement devant elle, mais moi je m'étais ressaisie. « Voyons, Louise, du courage. Crois-tu que j'y sois plus habituée que toi au bonheur ? Il faut être plus simple que ça. C'est comme les visites, le bonheur. Il faut le bien recevoir, sans quoi il ne revient pas. »« Voyons, Louise, » continuai-je, et je lui avais pris la main, « est-ce que tu trouves qu'il soit si dommage que nous puissions vivre un peu plus à notre aise ? Moi, je ne trouve pas. J'ai même des projets. Le premier, c'est que tu vas prendre une fille pour t'aider. Tu en trouveras bien une dans ton pays pour pas cher. » Pour 10 francs par mois, tu auras quelqu'un. Ça ne va pas nous ruiner. Le second, c'est qu'on va louer l'appartement au-dessus de la boutique, parce que cette chambre de derrière est bien étroite pour nous trois. Tu pourras aller te promener quand tu en auras envie. Ne dis pas non, car elle venait de secouer la tête, mais moi, j'avais retrouvé tout mon entrain. Je suis têtue quand il faut. En allant contre mes idées, tu risquerais de t'y casser le nez. C'est un mur, tu sais, mes idées. Puisque nos dettes sont payées et qu'on est net devant le monde, c'est le moment que tu prennes un peu de bon temps. Je ne veux plus que tu aies cette tache bleue à la tempe. Je la touchai du doigt. Je ne veux plus que tu aies ce creux dans les joues. Ce n'est pas joli à voir. Tu n'es pas encore si vieille que tu ne doives plus te soucier d'être jolie. La gaieté, c'est la santé. Tu deviendras une grosse forte fille qui chantera tout le temps. Tu te feras faire une robe neuve. Louise, quand je serre tes bras, je les trouve minces comme des baguettes. Je n'aime pas tant ça. J'aime mieux les bras ronds. Je n'arrivais pas encore à la faire sourire. Il me fallut continuer tout un grand moment à plaisanter, mais j'étais lancée, ça allait tout seul. Elle laissa alors tomber sa tête au creux de mon épaule et nous restâmes ainsi sans faire un mouvement. Il y eut un petit silence, un coup de vent passa, toute la maison se mit à trembler. On jouait de l'accordéon dans la rue. À l'étage au-dessus, un enfant pleurait et on entendit l'homme dire à sa femme « Tâche voir de le faire taire. Il n'y a pas moyen de dormir. » Le 1er novembre, donc, j'entrai dans ma nouvelle place de contremaître. J'eus sous mes ordres 6 ouvriers. Je faisais à présent partie d'une équipe qui travaillait à la scierie. Je revois toujours ce chantier, beau blanc de sûre, avec ses hangars. Il était situé tout contre la pente. On avait même dû entailler la colline pour que le sol en fût bien plat. Sur la gauche, au fond d'un encaissement, coulait la Vévèze, presque à sec, l'été, mais le canal qui prenait assez en amont était alimenté par un étang, de façon qu'on ne manqua pas d'eau même par les grandes sécheresses. On n'avait pas encore de turbine. C'était une simple roue de bois qui faisait marcher les machines. Il y avait une scie à ruban, une autre à mouvement de va-et-vient pour les gros troncs, et enfin une roue dentée. Les affaires allaient bien, chaque année on avait un peu plus d'ouvrage. Monsieur Guignard était un homme entendu et aussi un grand travailleur. Il était toujours au chantier avant nous. Il ne le quittait jamais qu'après nous. Tenace avec cela, carré, et moins souple que persévérant, mais persévérant presque avec excès. Si bien qu'en 25 ans il avait fait fortune, il avait 2 fils qui allaient au collège. Pour lui, il n'avait jamais oublié d'où il sortait et le rappelait en toute occasion. Il restait ouvrier dans ses habitudes, sa simplicité de mise, jusque dans sa façon de parler. On ne pouvait pas l'accuser de vouloir éblouir le monde. Ce qui avait dû lui plaire, dans ma manière d'être, c'était que moi non plus, je ne cherchais pas à briller. Il n'aimait pas les gens qui parlaient trop, il n'avait pas dû garder longtemps du Bourgel. Mais moi, je peux le dire sans me vanter, je savais rester à ma place. Il y eut bien quelques difficultés, elles ne vinrent pas de moi. Ce qu'il faut accuser, c'est la nature humaine, parce qu'elle est partout la même. Les rancunes, les rivalités, les jalousies sont de ces choses avec lesquelles on doit toujours s'attendre qu'on aura à compter. Je laisse donc de côté les petits ennuis qu'il y eut, comme ce clou qu'un nommé Barbeza avait enfoncé dans un tronc parce qu'il avait envie de ma place, et un beau jour la scie sauta. Il pensait ainsi me faire chasser au risque d'un affreux malheur. Il avait mal pris ses mesures, j'eus vite fait de deviner qui était le coupable, et M. Guignard ne m'en voulut pas. Au contraire, c'est Barbeza qui fut mis à la porte. Mais je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce sujet. D'ailleurs, ces ennuis-là sont acceptés d'avance quand le gros des choses va bien, et le gros des choses allait bien. On s'était installé dans l'appartement au-dessus de la boutique. Il était de deux pièces, avec deux fenêtres sur la rue. Une des pièces nous servit de chambre à coucher, à Louise et à moi. L'autre fut donnée au petit qui grandissait. Quant à celle du bas, on y logea la fille que Louise avait fait venir de son pays. Elle n'avait que 17 ans, mais elle était robuste pour son âge. Louise continuait de faire la cuisine. On laissait à la servante les gros ouvrages, comme de laver la vaisselle ou de récurer le plancher. Nous pouvions maintenant sortir quelquefois ensemble. Le dimanche après-midi, quand le temps était beau, nous allions faire une petite promenade, poussant jusqu'à Clarence, La Tour ou Saint-Léger. Je donnais le bras à Louise. Il me semblait qu'en s'appuyant sur moi, elle se reposerait mieux. On disait à Henri de courir devant nous, mais il aimait rien tant que de rester pendu aux jupes de sa mère. Il revenait bientôt. Il nous regardait avec un drôle de regard. Je lui disais « Alors, ton cerceau, tu en as assez ?» Il me répondait « Il ne va pas bien. » Il trouvait toujours des prétextes pour ne pas nous quitter. Et quand je dis « nous », je vois à présent que je me trompais, mais je ne m'en rendais pas compte. Je pensais « Il tient à la compagnie des grandes personnes. » C'est un enfant trop raisonnable, comme tous ceux qui sont élevés seuls. Sa mère le prenait par la main. Nous marchions encore un moment dans le bon soleil, entrecoupé d'arbres, dont l'ombre sur la route faisait de loin en loin comme des ronds mouillés. Mais bientôt le petit Henri commençait à se plaindre. Alors Louise me disait « Écoute, Samuel, si on le prenait entre nous deux. » Je lui disais « Ne le gâte pas trop. Tu as plus besoin que lui d'être aidé. Oh, moi, tu sais, je m'en tirerai toujours. » Je n'insistais pas pour ne pas lui faire de la peine. Je lâchais son bras et on prenait le petit Henri entre nous deux. Brusquement, il cessait de grogner et bien sagement, il allait sans rien dire, levant seulement par moments les yeux sur sa mère, tandis que je portais son cerceau. « Quelle heure est-il ? » me demandait Louise. Je tirai ma montre. « Bientôt 4 heures. Il nous faudra rentrer. »« Encore quelques pas, » disais-je. « Ils sont en train de poser la charpente à une maison près d'ici. Je voudrais voir où ils en sont. » Elle y consentait volontiers, on poussait jusqu'à la maison, puis on revenait par le bord du lac. De temps en temps, Henri criait « Un bateau !» On voyait au loin un bateau à voile. « Oh maman, n'est-ce pas qu'il a l'air d'un papillon ?»« Oui, » disait sa mère, « mais c'est un papillon qui ne bougerait pas. »« Oh, quand ils sont posés, tu sais, ils ne bougent pas plus que ça. Et tu sais, quand ils sont posés, ils ont aussi les ailes relevées. »« C'est vrai, » disait Louise, « mais je me demande ce qu'il peut trouver à manger sur l'eau. » « Il ne mange pas, maman, il a soif. Tu crois que les papillons boivent ?»« Oh oui, il y en a toujours autour des fontaines. » Je pensais, c'est un enfant intelligent, il sait voir les choses. Le moment approchait d'ailleurs où il allait falloir le mettre à l'école, et j'étais content à l'idée qu'il s'y tirerait d'affaire aisément. On le mit à l'école, et 3 ans de nouveau passèrent, 3 années de tranquillité, 3 années aussi de prospérité. Au chantier, on s'était tout à fait habitué à moi. À la maison, nous avions maintenant de 10 à 12 pensionnaires. Je mettais chaque année de l'argent de côté. On avait repeint les murs de la salle à manger. J'avais remplacé les chaises paillées par des jolis sièges en bois de noyer tourné dont j'avais trouvé l'occasion dans une vente après faillite. Et à l'étage, alors là où c'était notre « chez-nous », comme j'aimais à dire, on avait changé de papier. Il y avait un tapis neuf sur la table. On y voyait maintenant la photographie du premier mari de Louise. Longtemps, elle l'avait tenue cachée. Et puis, un jour, elle m'avait demandé « Est-ce que j'ose ? Pourquoi n'oserais-tu pas ? J'avais peur que tu ne fusses pas content. Faut-il d'abord, lui dis-je, que je te donne un baiser ? Oui, donne-moi d'abord un baiser. » Elle avait alors sorti la photographie de la malle où elle la tenait et, l'ayant essuyée avec le chiffon à poussière, elle l'avait posée bien en vue sur la table. C'était un petit homme maigre, avec des creux sous les pommettes, il tenait un livre à la main. « Il ne se sentait déjà pas bien en ce temps-là, » dit-elle. « C'est une surprise qu'il m'avait faite. » Et, parlant plus bas, avec un petit mouvement de cou, « Plus que de toi, c'est de lui que j'avais peur. Déjà, le soir où tu m'as demandé, tu te souviens, Samuel ? Je cherchais des excuses. Je ne t'avais pas parlé de lui, mais c'est à lui que je pensais. Peut-être qu'il serait jaloux. Et souvent depuis, Samuel, il a fallu que du temps passe. À présent, je crois que j'ose. Je crois qu'il ne m'en voudra plus. » Je dis, « Bien sûr qu'il ne t'en voudra plus. » Elle me dit, « Eh bien, embrasse-moi encore une fois devant lui. » J'étais heureux, comme on voit. Comment donc se fit-il qu'à ce nouvel hiver qui vint, je sentis tout à coup mon humeur s'assombrir. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je n'ose pas le dire. Et d'ailleurs, je ne le compris pas tout de suite moi-même. Ce ne fut qu'après une visite que nous fîmes un dimanche à Gringet que tout m'apparut clairement. Vous vous souvenez peut-être que Gringet s'était marié presque en même temps que nous. Il avait été s'installer à la tour. Au moment où nous entrions dans le jardin, ses enfants étaient accourus à notre rencontre. Il en avait déjà trois. L'aîné était âgé de 4 ans, le petit de 2 à peine. Et lorsque Madame Gringet parut à son tour, il nous fut facile de voir que le 4e ne se ferait pas longtemps attendre. J'avais regardé Louise, il m'avait semblé voir qu'elle baissait les yeux. L'après-midi était triste, il faisait gris. Nous nous étions installés dans la chambre à manger, où on nous servit du vin et des bricelets. Mais, malgré la façon dont nous avions été reçus, malgré toute la peine que Gringet et sa femme se donnaient pour entretenir la conversation, je n'arrivais pas à être aimable. J'avais trop de peine à trouver mes mots. La seule chose qui anima les silences était ce bruit d'enfants continuel autour de nous, et quand je levais les yeux, je voyais passer au niveau de la table une petite tête bouclée au-dessus de laquelle 2 bras bougeaient drôlement. Alors je me sentais plus accablé encore, tandis que Louise, elle aussi, se taisait. Qu'a-t-on dû penser de nous ? Nous prîmes congé plus tôt qu'il n'eût fallu. Ils avaient l'air un peu étonnés, les Gringet. Ils nous accompagnèrent jusqu'à la grille. Nous nous trouvâmes de nouveau seuls, Louise et moi. Nous n'échangeâmes pas un mot. C'était un soir où la neige fondait. Il y avait une boue grise où on enfonçait jusqu'à la cheville. Serrée dans son châle mince, la pauvre Louise frissonnait, mais je ne m'occupais pas d'elle, parce que je lui en voulais trop. En entrant dans la boutique, la première chose que nous entendîmes fut le petit Henri qui pleurait. Tout de suite, elle voulut courir à la cuisine. Je la retins par le bras. « Écoute, Louise, ne va pas. Tu le gâtes trop, cet enfant. C'est qu'il n'est pas habitué à être seul. Eh bien qu'il en prenne l'habitude, et ce n'est pas le bon moyen d'y arriver que de s'occuper tout le temps de lui. » Elle ne semblait pas comprendre, et le petit à ce moment l'appela. Il n'osait pas venir, me sachant avec elle. « Samuel, laisse-moi aller. » Pour la première fois, depuis que nous étions ensemble, je lui répondis, « Je te défends. Samuel, monte dans ta chambre. Quand il sera calmé, tu descendras. » Elle ne répondit rien, elle baissa la tête. Ayant ouvert une porte qui donnait dans l'allée, elle monta l'escalier. Le petit s'était tu, sans doute cherchait-il à se rendre compte de ce qui se passait. Mais quand il entendit sa mère marcher à l'étage au-dessus, il recommença à crier. « Maman, maman » appelait-il, et il éclata en sanglots. « Te tairas-tu ? » lui dis-je. Il ne se taisait pas, au contraire. Cette fois, je perdis patience, je cours à la cuisine, je le prends par le bras, je le secoue. « As-tu compris ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Ou bien veux-tu être puni ?» Mais il se roulait à mes pieds. « Non, non, pas toi, pas toi !» Je me baisse, je le relève, j'essaie de le faire tenir debout. Ses jambes restaient molles. Sitôt que je le lâchais, il retombait. Et ses cris avaient redoublé, tandis qu'entre 2 hoquets, il répétait « Ce n'est pas toi que je veux, pas toi !» Alors je levai la main, et par 2 fois, ma main s'abattit. Ce fut une chose terrible. Ses cris s'étaient arrêtés nets, comme si on lui avait tranché le cou. Et assis par terre à mes pieds, la bouche ouverte toute grande, sans un mouvement, sans un geste, il me regardait fixement. Je ne bougeais pas, moi non plus, ma main était retombée, je voulus dire quelque chose, par exemple « Est-ce fini ?» Je ne dis rien. Du temps passant, ce fut à cet instant que Louise reparut. Tout à coup, la porte s'ouvrit, mais il sembla qu'une ombre l'eût poussée. D'abord, on ne vit rien venir. Quand elle entra, elle ne fit aucun bruit. Elle ne parut pas me voir, ni Élise, ni rien de ce qui l'entourait. Elle ne voyait que son enfant. Elle fit deux ou trois pas vers lui, elle s'arrêta, elle restait muette. Il leur fallut sans doute à l'un et à l'autre un instant pour comprendre. Puis Henri lui tendit les bras. Alors elle poussa un cri et se jetant sur lui, « mon Dieu, qu'as-tu? Mon Dieu, qu'est-ce que tu as ?» Elle avait pris à bras le corps et troussant sa jupe, elle l'encouvrit comme pour empêcher qu'on ne le lui arrachât. Elle le serrait contre sa poitrine, elle le balançait d'un mouvement régulier. Penchant sa tête tout contre la sienne, les lèvres avancées, son souffle sur le sien, « Petit, petit !» répétait-elle. Et lui disait « Maman, maman !» Alors elle eut presque un sourire, et toujours sans me regarder, « Allons-nous-en » dit-elle, et elle l'emporta. Moi, je passais dans la salle à manger, je pris un journal, j'essayais de lire, les lettres bougeaient comme des fourmis sous mes yeux. D'ailleurs, les pensionnaires arrivaient, Monachon, Beauvoras et les autres. Ils venaient, l'un après l'autre, me serrer la main comme ils faisaient toujours, puis chacun s'assit à sa place, parce que l'heure du repas était venue. Moi, je m'étais assis à ma place. D'ordinaire, Louise s'asseyait en face de moi. Elle ne se montra pas ce soir-là. Les autres me demandèrent « Et ta femme, elle n'est pas malade ?»« Non, mais c'est le petit qui n'est pas bien. On a dû le coucher et elle est restée près de lui. »« Ah, c'est ça » dirent-ils. Et levant leur cuillère, il se fit entendre un grand bruit. Moi, j'essayais aussi de manger, mais la soupe ne passait pas. Et Montagnon, qui était mon voisin, me dit « Tu n'as pas l'air d'avoir grand appétit. » « Non, pas tant, lui dis-je. C'est cette mollesse de l'air, ça vous coupe l'énergie. » Il dégelait en effet, et on entendait chanter les gouttières avec, par moments, un paquet de neige qui tombait du toit. « C'est une pente vers le printemps, » dit quelqu'un. « Un autre, oui, le plus gros est fait. » « Un autre, on va bientôt trouver de la dent de lion. » « Dites donc, Samuel, il faudra que votre femme nous en fasse de la salade. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. » Je dis, c'est ça, j'étais obligé de répondre, et comme ils s'étaient tous mis à plaisanter avec plus de liberté qu'à l'ordinaire, parce que Louise n'était pas là, je me vis forcé de leur donner la réplique, sans quoi ils auraient été étonnés. Il ne fallait surtout pas qu'ils s'aperçussent de rien. Alors, je plaisantais avec la moitié de la bouche, la tordant un peu de côté, c'est pourquoi les mots sortaient difficilement. Entre-temps, je prêtais l'oreille, guettant les bruits dans la chambre d'en haut, mais il n'y en avait point, ni de pas, ni d'aucune sorte. Il semblait que l'étage fût inhabité. Est-ce qu'elle se serait couchée ? Du pain, dit Beauvran. Écoute, Samuel, poursuivit Montagnon. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir, mais j'ai une soif du tonnerre. Il te faudrait me redonner un demi. Je descendis à la cave. J'étais heureux de pouvoir m'échapper. Et d'en haut l'escalier de la cave, de dedans tout ce silence qui m'entourait maintenant, j'écoutais de nouveau, mais il ne venait toujours aucun bruit. Alors je serrai si fort le cou de la bouteille que je crus qu'elle allait éclater en morceaux. Il me fallut rentrer, il me fallut me rasseoir. Montagnon m'accueillit par un gros rire, disant « Tu aurais aussi bien fait de monter tout de suite un litre. Enfin, tu vas toujours trinquer avec moi. » Ce fut vainement que je m'en défendis, il me remplit mon verre. Il y avait une grosse gaieté de tout le monde ce soir-là. Il ne paraissait pas qu'ils eussent remarqué que la mienne était imitée. Tout le temps, ils me taquinaient. Cela dura jusqu'à près de 10 heures. Alors je sortis mettre les volets, puis Élise alla se coucher. Je sentais le sang me battre aux tempes et dans la grosse veine du cou. Plus rien ne bougeait, ni dans la maison, ni dans la rue. Je demeurai un long moment arrêté, sans savoir que faire, au milieu de la chambre. Tout à coup, la pendule sonna. Alors il se fit en moi aussi un déclenchement, et j'allais dans la cuisine mettre mes pantoufles, qu'on me tenait au chaud, devant le fourneau. Je montai l'escalier, je heurtai à la porte, bien que ce ne fût pas mon habitude, on ne répondit pas. Je poussai la porte, il n'y avait personne. Je pensais, elle tient sûrement compagnie au petit. Mais mes yeux s'étant posés sur la table, je m'aperçus que la photographie n'y était plus. Ce fut cette accusation muette qui me vint d'abord. Dieu sait pourtant si j'en avais besoin. Je commençais de me déshabiller. Une fois ma veste ôtée, je n'eus pas le courage de déboutonner mon gilet et je m'assis au pied du lit, attendant. Ce ne fut pas très long. Elle tenait sur son bras les habits du petit soigneusement pliés et elle alla les déposer sur une chaise près de la fenêtre. Elle se conduisait comme si je n'eusse pas été là. Peut-être m'avait-elle même pas vue. Elle passa tout près de moi, puis, s'arrêtant devant une petite table de toilette que je lui avais donnée, elle commença à ôter les épingles de son chignon, les déposant une à une dans le tiroir. Je m'étais levé, je m'approchai d'elle. Elle ne se retourna pas. « Louise, es-tu fâchée ?» Elle secoua la tête. « Alors, pourquoi ne dis-tu rien ? C'est que je n'ai rien à te dire ?»« Louise, vois-tu, c'est un moment de mauvaise humeur que j'ai eu. Est-ce qu'on sait d'où ça nous vient ?» Elle secoua de nouveau la tête. « Je savais bien. »« Qu'est-ce que tu savais bien ?» Elle me dit. « C'est ma faute. »« Qu'est-ce qui est de ta faute ?»« Ça, » dit-elle. Mais j'avais tendu la main et la lui posant sur l'épaule. « Vois-tu, Louise, explique-toi, si tu savais comme je suis malheureux. » Elle se pencha en avant, de nouveau elle se taisait. Mais alors j'avançai la tête, la faisant dépasser par-dessus son épaule et me tournant vers elle. « Louise, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit, et il semblait qu'elle continuât une phrase commencée dans sa tête. « C'est de quoi j'ai eu tant peur, parce qu'il n'est pas de toi le petit. Eh !» Ici, elle hésita, « je n'en ai point eu de toi. » « Il est toujours assez tôt. »« Oh non, dit-elle, c'est trop tard. » Le terrible était qu'elle disait vrai. Je vis qu'à moins de mentir, je n'avais rien à lui répondre, et il ne me restait qu'à trouver un moyen de la faire taire, tout en lui prouvant mon amour qui était soudain revenu. J'avançai la bouche, je posai sur elle ma bouche. Elle s'était rejetée en arrière, et un instant encore elle se débattit, mais je l'entraînai déjà vers le lit, tandis que j'appuyais avec mes lèvres sur ses lèvres, de façon que les mots y étaient écrasés. Je lui prenais les yeux avec mes dents, et lui ayant mouillé les cils de ma salive, il me semblait qu'il me fallait aussi éteindre le feu qui brûlait sur ses joues, et ôter de dessus ses joues le bouquet rouge qu'il y avait. Je disais, « Est-ce que c'est fini ?» Elle cherchait à me soulever de ses deux mains le menton. Elle ne chercha pas longtemps. Elle cédait déjà. On sentait que l'oreiller était frais. Il y avait dans une poutre un petit verre qui faisait un bruit comme le tic-tac d'une montre. Plus tard, alors, on put causer tranquillement. « Est-ce que tu l'aimeras quand même ? Parce que tu sais, tu me l'avais promis. »« Je ne l'ai pas oublié, ça est venu, c'est des bêtises. Tu l'aimeras autant qu'avant, plus qu'avant même si je peux. Seulement tu remettras la photographie à sa place. Tu l'aimeras tant que tu pourras. Tu l'aimeras comme s'il était de toi. » Je disais « Oui, oui, bien sûr. » Peut-être que je mentais un peu. Mais je me disais, je ferai un effort. Quand on veut, on peut. Et puis tout ça n'a pas grande importance, puisque j'ai une femme qui m'aime. Il n'y avait qu'elle qui comptât maintenant.